Chaka, chauffez d'ife, nous pral manger chaka. Chauffez d'ife, brassez maï, pas blie ti salé, nous pral manger yon bon chaka. Nous pral voye monte yon bouillon tête chargé. Toi tambou yo frappé, tout moun relé en moué. En nous pote collé, pour nous tout qu'avancer. En nous maconnait ensemble dans yon belle harmonie, yon bon bouillon lakay, yon chaka musical. C'est yon bon bouillon lakay, yon chaka national. C'est yon bon bouillon lakay. Chauffe dife. Yon valou contre danse. Rabodai, c'est gros causé. Musique lakay, oh oui, c'est belle bagay. Pote kole, côte à côte, n'a pe vansé. Chauffe dife, chaka a pe monté. Ibo, Bolewo, Banda, Mayi, Congo, Petwo, Maskawon. Musique sa yo, c'est compa lakay. Nous danser kalinda, nous chanter rabodai. Tête ensemble nan remè, en nous fait belle bagay. Nous proclamer l'espoir et nous chanter la paix. Pour limier la justice blayi sous toute la terre. N'ap continuer chanter pour faire la vie pi belle. Nan justice nan remè, an nou manje yon bon chaka. Ayi bobo, an manje yon bon chaka. Dumbo yo, uwo, woy, dumbaga dumbo. Zap tagadap tagadap tagadap uwap. Pazigi daga digi daga digi daga da. Ye ye. Pazip pada pada pada pa.